Chapitre 11. Le corps organique et l'équité des échanges. La métaphore du corps que Paul développe dans ses lettres, 1 Corinthiens 12, Éphésiens 4, n'est pas rhétorique. C'est une description structurelle de ce qu'est la vraie ecclésia. Et cette description a des conséquences pratiques directes. L'organisme contre l'institution. Dans un corps biologique, chaque membre a une fonction. Certains membres semblent moins importants, mais Paul est explicite. Les membres qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. 1 Corinthiens 12, 22. L'organisme est viable parce que chaque membre contribue selon sa fonction et parce que l'ensemble prend soin de chaque partie. Dans un corps, les membres ne font pas du bénévolat les uns pour les autres. Le cœur ne bat pas par générosité, il bat parce que c'est sa fonction et parce que sans lui, le corps entier meurt. Et l'ensemble du corps fait circuler les ressources vers tous ses membres parce que c'est la condition de la vie commune. L'ecclésia organique fonctionne sur ce principe. Chaque membre apporte sa compétence et la communauté prend soin de chaque membre. C'est de la vie partagée, pas du bénévolat. Les échanges équitables comme condition de santé. Ce que l'on appelle service dans une communauté authentique est en réalité un échange. Le musicien met sa compétence à disposition de la communauté. La communauté le nourrit, le soutient, l'honore. Cet échange doit être équitable parce que l'équité est la condition de la santé du corps. Quand l'échange n'est pas équitable, deux choses se produisent. Le membre s'épuise et finit par partir ou par s'aigrir. Et le corps, qui a perdu ou abîmé l'un de ses membres, s'appauvrit. La logique institutionnelle qui maximise la gratuité de ses prestataires est donc, paradoxalement, une logique suicidaire pour la communauté elle-même. Leçon 11. L'ecclésia authentique fonctionne comme un corps organique où chaque membre contribue selon sa compétence et reçoit ce dont il a besoin pour vivre. Ce n'est pas du bénévolat, c'est de la vie partagée, équitable. Un musicien qui donne son expertise sans contrepartie est un membre du corps qui n'est pas nourri. À terme, le corps entier en souffre.